Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Et donc, on va démarrer en mode électrique, en parlant de la voiture électrique. Alors, quand on parle de voiture électrique, c'est souvent pour parler d'environnement, de voitures moins polluantes. Mais elles pourraient aussi faire leur entrée dans le domaine de la course. Et c'est Philippe Rioux qui va nous en parler. Bonjour Philippe. Bonjour. Oui, en effet, quand on parle de voitures électriques, on parle de respect d'environnement, on parle de petites voitures efficaces, du citadin moderne, on a l'idée un peu des petites voitures japonaises, tout ça, et avec un avenir un petit peu lent et silencieux. Mais il y a vraiment plus que ça finalement en ce moment là. On parle d'efficacité, mais il y a des choses un peu moins ennuyantes qui s'en viennent là. Ennuyant, tu veux dire que respecter l'environnement ce serait ennuyant? Ben, c'est qu'il n'y a pas juste ça. Quand on imagine le futur de la voiture électrique, on pense à justement une voiture qui aurait beaucoup de compromis, surtout au niveau de la performance, mais on se rend compte que probablement non, en fait. La facette la moins explorée, ce sont vraiment les moteurs électriques. C'est les performances impressionnantes que les moteurs électriques peuvent générer, là. Lorsqu'on les compare à des moteurs à combustion interne, on remarque plusieurs différences majeures qui ont un grand impact sur la performance d'un véhicule. La principale différence, en fait, l'essentiel de la différence, c'est l'immédiateté du torque et de la puissance générée. D'accord. Alors là, tu as dit l'immédiateté du torque et la puissance générée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rentre dans les fins détails d'un moteur à combustion interne. Là. Le point important, c'est de savoir que un moteur à combustion interne, ça génère pas la même puissance dépendamment de la vitesse à laquelle il tourne. Par exemple, lorsqu'on affiche la puissance d'un moteur à combustion interne, on spécifie toujours à quelle vitesse le moteur doit tourner pour générer la puissance affichée. Évidemment, les constructeurs affichent la puissance maximale que leur moteur peut générer. Ainsi, j'ai pris par exemple le moteur de la Honda Civic 2013, on indique 140 chevaux vapeur, qui est la puissance, à 6500 RPM. Donc, un moteur de Honda Civic génère 140 chevaux lorsqu'il tourne à 650 RPM. Mais il tourne pas toujours à 6500 RPM. Et c'est ça la grosse différence. Mais la puissance qu'il génère en bas de 650 RPM et en haut est plus faible. Mm-hmm. Et surtout très faible, surtout à bas régime. Donc, vous avez 140 chevaux seulement lorsqu'il tourne à 650 RPM. Donc, lorsqu'on conduit une voiture avec un moteur à combustion interne, on a accès en fait qu'à une fraction de la puissance qui est réellement disponible et celle qui est affichée par le constructeur finalement. Oui, tout à fait. Il y a des trucs qu'on peut utiliser, certaines transmissions qui permettent de contourner ça, mais essentiellement, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que 140 chevaux, c'est bien assez, mais on peut aussi travailler avec des puissances beaucoup plus faibles. La majorité du temps, c'est en bas de 140 chevaux. Mais quand on veut faire de la course, on en veut plus, puis on en veut plus tout le temps. Ouais. Et c'est là qu'un moteur électrique qui délivre une puissance constante, pas besoin d'atteindre une certaine révolution magique spécifique. La puissance est la même de 100 RPM à 4000 RPM à 800 à 8000 RPM. Parce qu'il y a des limites, là. Mais c'est pour ça qu'une Honda Civic qui serait équipée d'un moteur électrique de seulement 75 chevaux vapeur pourrait probablement battre dans une course sa sœur à essence. Même s'il y a juste 75 chevaux vapeur, t'as accès à 75 chevaux vapeur tout le temps. Et donc, pas seulement à 140 chevaux à un petit moment du trajet du véhicule. Ouais. Donc, ça veut dire que la technologie électrique a des qualités très différentes de celles des moteurs à combustion. Et ça doit chambarder pas mal dans le monde de la course automobile, non? Oui. On doit y penser. Oui. C'est pas des gens aveugles. C'est des gens qui ont quand même des préjugés et leurs idées préconçues au niveau de l'électrique. Mais les résultats des victoires, ça ne ment pas. Et c'est sûr qu'il y a certains types de courses qui favorisent l'introduction des technologies. Il y a des courses qui sont très fermées au niveau des catégories de moteurs qu'on peut utiliser. Mais par exemple, moi, une de mes courses préférées, c'est le 24 heures du Mans. C'est une course d'endurance, la course reine d'endurance, en fait, qui dure 24 heures en France. Et Audi domine cette épreuve-là depuis plusieurs années maintenant. Mais le truc le plus intéressant, c'est qu'en fait, ils ont trois voitures en course et les deux qui gagnent sur les trois, en fait, les trois voitures d'Audi sont 1, 2, 3, mais les premières et la deuxième, ce sont les modèles hybrides. Ce sont leurs modèles hybrides qui gagnent. Et les autres constructeurs aussi, ils commencent à rivaliser avec leur propre système hybride Toyota, Peugeot, entre autres. Renault, plutôt. On est loin de la Prius ici, là, les voitures du 24 heures du ouais. monde. Là. En plus d'une courbe de puissance constante, les moteurs électriques peuvent récupérer l'énergie d'un freinage. Donc ça, c'est vraiment pratique pour économiser l'essence et l'électricité dans une course d'endurance, parce que ça diminue le nombre d'arrêts au puits. Ah ben oui. Donc ça, c'est un facteur important dans une course d'endurance. L'année prochaine, en F1, une toute nouvelle motorisation va être introduite. Ça va être fini les moteurs V8. Ils vont être remplacés par des moteurs V6 avec le retour du turbo-compresseur et avec une assistance électrique. Ah oui. Donc, ouais. En F1, même en F1, le moteur électrique commence à frapper à la porte. D'accord. Donc là, on a passé un point crucial. Les technologies électriques, c'est plus seulement pour faire gentil, c'est plus seulement pour faire moins de bruit dans la rue et moins consommer. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux dans certains cas, et ça sent bien en course automobile. Oui, tout à fait. On peut plus rire là, des moteurs électriques là, dans les puits. De plus en plus de courses sont maintenant électriques seulement. L'apparition de courses, étant donné qu'il y a des courses qui sont très rigides au niveau de ouais. leur demande de moteurs, il y a des nouvelles courses qui se sont créées. Pour des catégories électriques juste seulement. Juste d'électriques. Puis les performances augmentent rapidement dans le 100% électrique là. Il y a des gens qui rient encore de ces véhicules-là parce que c'est vrai que ultimement ils sont moins rapides que ceux-là qui fonctionnent avec des combustibles fossiles. Mais contrairement à ceux-là qui fonctionnent avec des combustibles fossiles, à chaque année ça va de plus en plus vite, de plus en plus longtemps. Ah ouais, bon. Donc le développement est rapide. En dehors des courses, une autre catégorie de véhicules commence à prendre le virage électrique, c'est celle-là des hypercars, qu'on appelle les voitures, les hyper-voitures, les voitures les plus rapides, les plus dispendieuses disponibles. La McLaren F1, la Ferrari, elle s'appelle la Ferrari, mm-hmm. et de Ferrari, en français, ça marche pas vraiment. La Porsche 918, c'est toutes les dernières voitures les plus chères qu'on peut acheter, les plus rapides. Ils sont les trois équipés de systèmes hybrides. Mm-hmm. Avec des moteurs de 600 quelques chevaux vapeur à essence, accompagnés de moteurs électriques, des fois un, des fois deux. Ils sont annoncés évidemment comme les voitures commerciales les plus rapides jamais construites et elles sont hybrides. On est loin de la Prius, encore une fois. Oui, ben c'est ça, on est loin de la Prius, puis c'est des voitures, bon, à 2 millions de dollars, peut-être, je sais pas. Mais finalement, pour le commun des mortels, c'est pas pour tout de suite non plus, ces voitures-là. Non, mais pour certains mortels qui sont peut-être pas si communs, les gens qui ont environ 75 000 $ à mettre sur une voiture, vous pouvez aller voir Tesla, qui est une compagnie américaine qui construit des véhicules électriques de luxe, mais qui sont quand même achetables. Si vous avez 75 000 $ à mettre sur une berline, vous pouvez acheter la Tesla S, qui a une autonomie de 300 km avec une charge. Là, 300 km, ça s'approche de quelque chose de vraiment intéressant. Plus en plus de gens commencent à regarder ça comme une option valide. Et ça commence à être sérieux. Et en bonus, quand on appuie sur l'accélérateur d'une Tesla S, on est frappé par une immédiate puissance là, qui est extrêmement soudaine et très étrange pour quelqu'un qui est habitué à des moteurs à gaz. Ça rivalise avec les voitures les plus performantes, gracieuseté encore là, d'une courbe de puissance très régulière, très constante. Mm-hmm. Ils sont présentement en train de développer un véhicule qui coûterait aux alentours de 30 000 $, le commun des mortels, donc là, il s'approche quand même bien. Là. Mm-hmm. Donc l'électricité, c'est plus seulement bon pour l'environnement, c'est bon aussi pour les voitures, pour les victoires, les trophées et les records de vitesse. Oui, c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que l'électrique est en train de passer de ce qu'on devrait faire à ce qui est bientôt va devenir la meilleure chose à faire pour toutes les raisons, non seulement au niveau écologique, mais au niveau de c'est le meilleur mm-hmm. moteur qu'on peut utiliser dans un véhicule parce qu'il est plus efficace, il génère une puissance constante et immédiate. Et ce que moi je trouve très intéressant en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'il faut pas négliger la portion du domaine de la course dans le développement des technologies de l'automobile. En ce moment, dans nos véhicules, il y a beaucoup de technologies qui ont été développées d'abord mm-hmm. pour la course, mm-hmm. qui sont maintenant dans nos véhicules. Ça va faire la même chose au niveau électrique. Quand les gens veulent gagner des trophées, ils commencent des fois à penser à des nouvelles choses et à inventer des nouveaux trucs. Donc, moi, je serais pas surpris de voir ces technologies-là tranquillement s'en venir vers les véhicules qu'on peut acheter. Donc, moi, je suis très optimiste au niveau du véhicule électrique. Et ce sera plus justement de la recherche purement au niveau des constructeurs, mais ça va être de la recherche au niveau des équipes de course. Mm-hmm. Donc, à moyen terme, ça ferait réellement donc des voitures électriques qui arriveraient pour le commun des mortels, mais avec une réelle efficacité, une réelle puissance, en plus d'être écologique. Tout à fait. Parce que jusqu'à présent, les améliorations qui ont été apportées par les améliorations technologiques qui ont été introduites dans par les constructeurs automobiles, ça n'a pas permis de faire des voitures réellement moins polluantes. Moins énergivores. Non, c'est parce qu'on a remplacé, on a fait des voitures plus grosses. Ouais, c'est ça. On a fait des voitures plus grosses. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? j'ai hâte de voir, mais c'est sûr que le moteur électrique, à la base, il y a des qualités exceptionnelles. Le problème reste les batteries. Mm-hmm. Mais les batteries, ça continue à évoluer. C'est tranquillement pas vite, mais on s'approche de la batterie qui va nous permettre. Les temps de charge se diminuent, la capacité augmente, le prix diminue. Donc, tout ça, il va y arriver à un point où, lorsqu'on va vouloir avoir une voiture à 30 000 $ il va y avoir des nouvelles options maintenant. Mm-hmm. Et là, c'est mm-hmm. là que ça va changer énormément. Eh bien, on va voir ça peut-être dans quelques années. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Alors, on fait maintenant une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 avant de se sucrer le bec avec les petits fruits du Québec.